encore ta peau sur ma peau, tes éclats de rire dans ma voix. Mais j'ai le cœur à moins zéro, je sais que tu ne viendras pas. Il y a trop de fumée dans ma tête, trop d'alcool au fond de mes yeux. Je suis comme une marionnette que dirige un dieu malheureux. Je danse seul, comme font les enfants. Je danse seul, blessé à bout portant. Je danse seul, je n'entends même plus la musique, la musique. Je danse seul, planté sous les lumières. Je danse seul, c'est de quel côté l'enfer. Je danse seul, perdu au milieu de mes rêves. Je t'appelle. Dehors il va bientôt faire jour, je voudrais m'en aller loin d'ici, perdre la mémoire pour toujours, quitter ma peau, quitter ma vie. Je danse seul, sous des soleils éteints. Je danse seul, j'ai froid dans mon chagrin. Je danse seul, j'en crève de t'imaginer dans ses bras. Je danse seul, planté sous les lumières. Je danse seul, c'est de quel côté l'enfer. Je danse seul, moi qui n'ai jamais su danser qu'avec toi. Je danse seul.